Mets ta tête sur mon épaule, joue avec mes doigts, on s'embrasse quelques fois, puis on inverse les rôles. Je suis dans mon pieu, j'entends la verse qui frappe contre la vitre. J'ai besoin de faire le vide, je me console dans la verve. Je ferme les yeux, je pense à ta bouche, j'y repense quand je me couche. Je pense à toi sous la douche, je t'avoue même moi je trouve ça louche. Je pense à tout et je pense à rien, en vrai je pense qu'à ton bien. En vrai je pense qu'à tes yeux, quand ils regardent les miens. Je pense à rien et je pense à tout, je sais pas si je deviens fou. Putain mais tu viens d'où, que se passe-t-il entre nous. En tout cas je suis au bout de ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai foncé où je sais pas ce qui m'arrive. Yeah, yeah, yeah. Si je suis tombé dans je suis naïf. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En tout cas je suis au bout de ma vie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mets ta tête sur mon épaule, joue avec mes doigts, on s'embrasse quelques fois, puis on inverse les rôles. Avec toi c'est tellement simple, on est complice tab 105. On partage des spliffs devant des séries Netflix. Désolé si je te disais pas je t'aime, au fond je sais pas ce que ça représente. En vrai j'ai jamais su, désolé si je t'ai déçu. C'est vrai que je suis pas parfait, je ferais mieux si c'était à refaire. Je sais que t'en vaut la peine, en tout cas t'en vaut le détour. Je pense à rien et je pense à tout, je sais pas si je deviens fou. Putain mais tu viens d'où, que se passe-t-il entre nous. En tout cas je suis au bout de ma vie. Yeah, yeah, yeah. Je fonce où je sais pas ce qui m'arrive. Yeah, yeah, yeah. Si je suis tombé dedans je suis naïf. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En tout cas, je suis au bout de ma vie. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En tout cas, je suis au bout de ma vie. Je fonce de où je sais pas ce qui m'arrive. En tout cas, je suis au bout de ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai foncé où je sais pas ce qui m'arrive. Yeah, yeah, yeah. Si je suis tombé dedans, je suis naïf. Yeah, yeah, yeah, yeah. En tout cas, je suis au bout de ma vie.